premières traces écrites incontestables d'une pandémie de peste datent du VIe siècle. C'est la première grande peste européenne, dite de Justinien, qui a décimé près de la moitié de la population et précipité la chute de Constantinople. Mais selon une étude récente, la peste serait arrivée en Europe depuis l'Asie il y a près de 5000 ans. D'ailleurs, peste du latin pestis désigne à l'origine toute épidémie, qu'il s'agisse de choléra, de typhus ou de diphtérie, toute forme de mal de grande ampleur, parce que la peste a longtemps été le synonyme du mal absolu, du châtiment divin. Raconter l'histoire de la peste, c'est raconter la victoire de la science sur nos peurs les plus anciennes. Peste, le plus vieil ennemi de l'homme, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette bien sombre histoire qui est loin d'être conclue, puisqu'il reste des cas de peste aujourd'hui dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie et en Amérique, nous y reviendrons, y compris d'ailleurs aux États-Unis. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean Vito, bonjour. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue, auteur d'une histoire de la peste aux presses universitaires de France. Bonjour Françoise Hildesheimer. Bonjour. Vous êtes conservatrice générale du patrimoine et historienne, professeure associée à l'Université Paris 1. Vous avez longtemps travaillé, écrit de nombreux ouvrages, vous aussi, sur l'histoire des différentes épidémies de peste en Europe. Vous pouvez suivre cette émission et bien sûr les ondes, comme chaque jour, de France Culture, mais aussi sur notre fil Twitter, en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, pourquoi, selon vous, la peste a-t-elle cette aura maléfique plus que toute autre maladie, hein, parce que quand je disais dans le titre de cette émission « La peste, le plus vieil ennemi de l'homme », il y a d'autres maladies, la grippe par exemple, la malaria, qui ont fait beaucoup plus de morts depuis le début de l'humanité que la peste aujourd'hui, Jean Vito. Oui, alors le problème c'est que la peste est une maladie qui survenait de façon brutale et qui emportait un nombre considérable de gens, puisque la peste noire a tué entre 40 et 60% de la population européenne en 2 ans, en 1347-1348. Et donc, c'était le fléau le plus absolu. Il y a des maladies qui ont tué beaucoup plus, probablement comme la variole. Mais c'était, ça n'avait jamais ce côté aussi énorme. Si brutal. Donc, je pense que c'est à la fois brutal, énorme, avec une mortalité tout à fait élevée, puisque pendant la peste noire du Moyen-Âge, il y a des villages où 100% des habitants sont morts. Françoise Hildesheimer, sur cette notion brutal, de mal. Brutal, énorme et incompréhensible. Parce que je pense que quelque chose qu'on ne comprend pas, ça a un impact bien supérieur sur les esprits des gens qui y sont soumis. Et donc on invente, on cherche des explications, mais quand on n'en trouve pas et que ça revient périodiquement avec cette force, il est évident que c'est, ben comme l'a dit un historien, l'un des grands personnages de l'histoire d'hier. La maladie, un personnage historique. Je l'ai dit, hein, c'est tout à l'heure, la peste n'a pas été éradiquée, contrairement à d'autres maladies comme la variole. Comment est-ce qu'on explique c'est ça, la seule. C'est la seule maladie qui ait été éradiquée, la variole. Au niveau mondial, même s'il reste toutes des... Toutes les autres maladies, quand on parle de la poliomyélite, si on arrête de vacciner, elle revient immédiatement. Et donc, quelque part, la seule maladie éradiquée officiellement, c'est la variole. Le problème aussi, c'est que, globalement, toutes les maladies infectieuses sont restées totalement inconnues dans leur étiologie jusqu'à Pasteur, on peut dire. Et donc, on invoquait les puissances célestes, l'air maléfique, la pestilence générale. Ceci dit, il faut se rappeler aussi ce détail stupide qu'on oublie. Nous parlons de la pollution moderne, mais nous n'imaginons pas la pollution des villes médiévales qui était effroyable. Les étaux des boucheries déversaient les entrailles sur la voie publique, il y avait des cochons qui divaguaient, c'était effroyable, plus les industries. Et donc je crois que la pollution à cette époque-là était quelque chose d'effroyable et on n'imaginait pas les maladies transmissibles. La seule que l'on avait supposée être transmissible était la lèpre. et la lèpre notamment. Et il y a eu une erreur manifeste, c'est que la lèpre, on pensait que c'était les porcs qui la transmettaient. Il y avait des officiers spéciaux qu'on appelait les langoyeurs qui regardaient des nodosités sous la langue des cochons. Et en fait, c'était pas l'agent de la lèpre, c'était la trichinose, c'est-à-dire une maladie parasitaire du cochon, qui existe toujours. Françoise Hildesheimer, donc pour la peste, on parle d'anthropozoonose, hein, pour dire qu'il y a une maladie dont la source est à la fois chez l'homme et chez l'animal. Il y a une expression qui m'intéresse et à laquelle j'aimerais vous faire réagir pour prendre la mesure de ce personnage historique tel que vous le définissiez, que peut être la peste dans l'histoire de l'humanité. La peste constitue un événement social total. C'est un événement pour l'historien parfait. Doublement, parce qu'il met en jeu l'économie, le social, les mentalités, enfin tout ce qu'on peut imaginer, avec un paradoxe que le temps de lèpre, c'est du temps court. C'est du temps court, et on se souvient de Foucault disant « le temps de peste, c'est le laboratoire extraordinaire dans lequel on peut expérimenter des procédures disciplinaires extrêmes ». Donc ça, c'est un cas absolument extraordinaire qui permet de voir en jeu un certain nombre de procédures. Mais il y a aussi quelque chose qui, moi, me paraît au moins aussi intéressant, c'est sa cessation. Parce que le temps de la cessation, ça va être le moment où vont être levés un certain nombre de blocages économiques, sociaux, culturels, etc. Et ça va être, je pense aussi, une des conditions peut-être de l'émergence des Lumières, de cette espèce d'optimisme qu'on a pu développer à partir du moment où on n'a pas été soumis à ces retours. Encore que 1720 a bien été la peste de Marseille. Alors, Jean Vitaud, sur cet événement social total. Cet événement social total, moi j'irais encore plus loin. Je pense que quelque part, ça a été une évolution de la conscience collective, notamment vis-à-vis de la mort. Et donc, il y a eu toute une collection de phénomènes qui sont directement reliés à la peste, soit directement, c'est-à-dire sur le plan religieux, on passe du gisant en majesté au transi avec les vers, on passe également et on peut dire que quelque part, par toutes ces transformations, la réforme est peut-être une petite fille de la peste. Là aussi. La réforme et les lumières seraient des enfants de la peste. C'est un très grand personnage. Alors, vous partagez ce point de vue, Françoise Hildesheimer ? Alors, indirectement, pourquoi pas ? C'est une interprétation. C'est encore une période où la peste revient régulièrement. Et on pourrait peut-être même dire aussi que l'absolutisme monarchique a été favorisé par la nécessité de mettre en œuvre des procédures drastiques pour cantonner la peste. Il y a vraiment un côté eschatologique qui suit la peste. Et alors, un côté eschatologique au meilleur sens du terme, mais également au pire sens du terme, parce que il y a beaucoup de prêtres qui sont morts durant la peste. Et l'Église avait le choix entre deux solutions, soit qu'il y ait moins de prêtres, soit qu'il y en ait tout autant. Elle a choisi la deuxième solution, et donc a envoyé sur le marché des prêtres qui étaient peu formés, et ce qui a entraîné la résurgence d'un certain nombre de croyances quasiment païennes, et c'est peut-être une des causes de l'épidémie de sorcellerie à partir du XVe siècle. On parlait d'épidémie de peste et d'épidémie de sorcellerie, ce sont deux choses pourtant différentes. On va reprendre, si vous le voulez bien, justement un peu le fil de cette histoire depuis les débuts présumés, pour commencer, un mot sur l'étude qui a été publiée récemment et qui a donné lieu à cette émission, en tout cas qui nous a donné l'idée de faire cette émission, une étude de l'Institut Max Planck qui fait remonter l'arrivée du bacille de la peste, en tout cas les premiers cas de peste en Europe, je précise bien en Europe, beaucoup plus tôt que ce que l'on imaginait, puisque je le disais, les premières traces certifiées, en tout cas de cas de peste, c'est la peste de Justinien, on va y revenir. Mais là, l'Institut Max Planck dit, finalement, la peste serait peut-être, vraisemblablement, arrivée en Europe à la fin du Néolithique, c'est-à-dire il y a environ 5000 ans. Votre point de vue là-dessus, Jean-Vito ? Mon point de vue, alors pour commencer, dans toutes les épidémies modernes, la peste a commencé en Chine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a un problème qui concerne le genre Yersinia, ex-Pasteurella. Yersinia qui est le nom du découvreur de la peste, Yersin, qui était suisse, pastorien, élève de Pasteur et surtout de Roux, et qu'il a découvert en 1894 à Hong Kong. Alors, le problème, c'est que ce genre-là est un genre terriblement mutant. Et donc, actuellement, il y a trois espèces de Yersinia. Il y a Yersinia pestis, la peste, Yersinia pseudo-tuberculosis ou bacille de Malassez et Vignal, et Yersinia enterocolitica, qui est une mutation extrêmement récente, puisque décrite en 1953, et qui donne des gastro-entérites dans toute l'Europe, et qui a un côté très intéressant dans la mesure où la répartition de ce germe, qui est essentiellement européenne, correspond exactement à la topographie de l'atteinte de la peste noire en 1347. Mais donc, il est très difficile de savoir si ce genre Yersinia était le même, et surtout un phénomène que l'on ne peut pas savoir en fonction de la génétique, s'il avait la même virulence. Et de savoir effectivement à partir de quel moment ce bacille est devenu mortel et à quel moment il a muté pour donner Yersinia pestis, qui est effectivement le bacille de la peste. Un mot, Françoise Hildesheimer, sur cette étude et sur donc l'arrivée vraisemblable de la peste. Encore une fois, il faut rappeler que peste, étymologiquement, c'est n'importe quelle forme de maladie mortelle. Et mais ça en continue tout cas, à l'être dans le langage courant. Tout à fait. Oui. Moi, ce que je pourrais dire du point de vue de l'historien traditionnel, c'est qu'on assiste actuellement à un renouvellement extraordinaire des sources. Alors, pendant longtemps, on a été limité à l'écrit, que ce soit l'écrit contemporain ou les relations a posteriori. Depuis quelques années, on a plongé dans un nouveau monde de sources, avec l'archéologie, l'archéozoologie. Et là, on assiste vraiment à un renouveau qui donne des échappées extraordinaires auxquelles, il y a encore 20 ou 30 ans, on ne pouvait pas penser. Puis les progrès, par ailleurs, effectivement, de la génomique, qui permettent de retrouver des traces là où on ne trouvait pas. C'est-à-dire que, globalement, on peut savoir actuellement, dans un cimetière, si les gens sont morts de la peste. Oui. Alors, on le peut savoir pour une raison stupide, c'est que la peste, chez l'homme, a une phase septicémique terminale très courte, mais qui suffit pour que il y en est de déposer dans les os jeunes. Alors le problème de l'os, c'est que c'est un très mauvais moyen puisque c'est contaminé par toutes sortes de bactéries. Mais il y a un os que l'on retrouve toujours, c'est la dent. Et dans la dentine, on peut identifier l'existence de peste. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier des cimetières médiévaux de la peste, redécouvrir les cimetières de Marseille de 1720 avec ce même système. Donc on peut déterminer devant un squelette s'il est mort de la peste ou pas. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons de l'histoire de la peste tout au long de cette heure en compagnie de Jean Vitaud et de Françoise Hildesheimer. Je m'adresse à l'historienne que vous êtes, Françoise Hildesheimer. Les premières traces écrites donc d'une épidémie attestée aujourd'hui comme étant la première épidémie de peste certifiée, ça ne veut pas dire que c'est la première de l'histoire, mais en tout cas celle dont on est sûr, c'est la peste de Justinien au 6e siècle. La peste de Justinien, c'est la première grande pandémie de peste. On lui attribue aussi beaucoup de conséquences. La chute de Constantinople. Et la chute de Constantinople. Qui n'est pas la moindre. Dont les conséquences sont. Oui. La chute de Constantinople est peut-être le fait que Constantinople ait été sauvée pendant 7 siècles. Mm-hmm. Parce que les armées arabes qui étaient de se déferler sur Constantinople ont été frappées par la peste et un hadith du prophète a dit il ne faut pas aller dans les territoires contaminés par la peste et donc ils se sont arrêtés. Mm-hmm. Françoise Hildesheimer, quels sont les éléments, quels sont les textes qui attestent de cette épidémie? Alors, et qu'est-ce qu'on sait de cette épidémie plus largement? Parce qu'elle ne s'est pas cantonnée à l'Asie mineure et à Constantinople, elle est remontée partout en Europe. Exactement, alors on a une multitude de relations. Alors ce qu'on peut dire d'une manière générale, et là ça vaut, disons-le une fois pour toutes, ça vaut pour toutes les épidémies de peste, les relations qu'on en a, c'est des textes, moi, qui me paraissent extrêmement redondants. C'est toujours le même récit. Il intervient d'abord a posteriori, parce qu'au moment de l'épidémie, toutes les activités cessant, on ne va pas prendre la plume pour faire œuvre de mémorialiste. Mais on a des récits qui sont toujours les mêmes, qui reviennent à ce qu'on disait en commençant, la mort massive, la peur, la panique, enfin tout ce qu'on... Et on a des récits finalement, si on va jusqu'au bout, et là je sors de la période justinienne, allons jusqu'à aujourd'hui, quel est le plus beau récit de peste? C'est Camus. Et on parlait tout à l'heure des réactions du clergé. Ben, c'est le père Panelou auquel on arrive aujourd'hui. Et on a, que ce soit Grégoire de Tours, que ce soit, on a un récit qui est très homogène. Ce que vous notez, Françoise de Seymer, c'est que ces récits, pour des causes évidentes, sont souvent et pendant longtemps des récits a posteriori. Exactement, ils sont a posteriori, on ne prend la plume qu'après pour raconter l'événement terrible auquel on a survécu et porter témoignage. En quel terme, je vous donne la parole tout de suite, Jean-Vito, mais juste, je reste un peu avec Françoise Zeldesheimer, en quel terme sont décrits, puisque je crois même que pestis n'est pas encore le mot idoine, comment est décrit cette épidémie, donc quels sont les mots utilisés, quelles sont les causes imaginées, comment est-ce qu'elle est appréhendée? Les textes les plus intéressants concernant la pandémie de Justinien, c'est les textes des médecins, et notamment Évagre. Évagre décrit la peste de façon certaine, puisqu'il décrit la peste bubonique, c'est-à-dire les adénites soit à l'aine, soit à la base du cou, en fonction de la piqûre de la puce, et il appelait ça la maladie des aines. Voilà. Et donc, ils ont décrit la peste pour la première fois, et ensuite, la destruction sera reprise au Moyen-Âge par Guy de Chauliac, médecin des papes. C'est toujours la même. C'est toujours la même parce que la peste n'a pas tellement changé dans ses manifestations en 2000 ans. Bon. La deuxième chose qu'on peut dire, quand même, c'est qu'il y a effectivement un côté apocalyptique dans les descriptions, mais je dois avouer que la lecture de Grégoire de Tours est quand même assez intéressante. Elle est tout à fait surprenante quand il raconte que il fallait mettre 10 cadavres dans le même linceul parce qu'il y avait plus d'urnes ni de cercueils ou des choses comme ça. Et il parle de Clermont-Ferrand en l'occurrence. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est amusant, c'est que la peste de Justinien en Gaule est arrivée par le même chemin que la peste noire et que la peste de Marseille. Le chemin classique. Par Marseille. À toutes les fois. Ça vient de Chine et ça rentre par Marseille. On parlait de la description. J'ai apporté là un document. Je vais vous donner la description administrative telle que le faisaient les... C'est un document qui date sur quelle épidémie de peste? C'est un document qui provient des institutions de protection sanitaire de Marseille. Mais de quelle date, pardon? Du 18e siècle. On nous y dit le mal contagieux est de tous les ennemis celui qui est le plus à craindre. Il est invisible, il s'introduit subtilement, s'il pénètre dans les provinces, il les ravage, il les dépeuple, il y sème l'horreur, la désolation et la mort. Mais on peut prévenir ce mal. Mais voyez que la description, en quelques phrases, tout est dit. On reviendra tout à l'heure sur la peste du 18e siècle, qui est la dernière grande épidémie de peste en France. J'aimerais peut-être qu'on dise un mot, parce qu'on parle de peste bubonique. La peste a deux formes. Il y a deux formes. Voilà. Alors, vous pouvez nous préciser ça. La peste bubonique, qui correspond habituellement à la piqûre de la puce, donc forcément aux extrémités, c'est-à-dire soit les mains, soit les pieds, et le relais lymphatique se situe dans l'aine ou dans les selles ou un peu plus haut. Dans la gorge, et donc c'est comme ça que ça donnait le bubon, qui est une adénite inflammatoire très importante, et ensuite accompagnée de signes généraux, la fièvre, la déshydratation, les vomissements, les hémorragies, la diarrhée. Bon, cette contamination est une contamination donc par le biais du vecteur de la puce qui est passé du rat à l'homme, qui est la puce. Ce qu'on peut dire peut-être un mot avant de parler de la peste pulmonaire, ce qu'on peut dire de cette peste bubonique, peut-être Jean Vito, c'est que dans 20 à 40% des cas, on en guérit. Elle est mortelle dans certains cas, mais elle n'est pas aussi mortelle que l'autre version. Voilà, la peste pulmonaire, elle, avant les antibiotiques, et même avec les antibiotiques, est beaucoup plus redoutable, puisque 100% de mortalité avant les antibiotiques, 30 à 50% avec. Alors celle-là est une contamination interhumaine, c'est-à-dire notamment l'hiver, la contamination de la peste avait tendance à baisser, sauf dans les endroits très confinés où ça se transmettait à ce moment-là par la laine et ça donnait très rapidement une insuffisance respiratoire, de la fièvre, des hémoptysies. Et la plus célèbre épidémie de peste pulmonaire a eu lieu en Mandchourie en 1902 chez des chasseurs de marmottes, la marmotte étant un des animaux qui peut porter La puce. La puce et le bacille. Et le bacille. Donc voilà, ça c'est pour faire le point donc sur ces deux versions. La plupart des grandes épidémies sont malgré tout des épidémies de peste bubonique. Pour des raisons épidémiologiques claires, c'est que quand le taux de mortalité est aussi élevé, finalement la maladie a assez peu de temps une fois de sortir de ses frontières, surtout quand les temps de trajet sont aussi longs qu'ils le furent naguère avant l'invention du moteur à explosion. Oui, Jean-Louis Vito. Le seul traitement reconnu efficace de la peste était l'aphorisme de Galien. Pars vite, va loin et reviens tard. Françoise Hildesheimer. Alors, je crois que là, vous avez fait allusion à quelque chose qui est important de prendre en compte, c'est les temps de circulation. Qui vont d'ailleurs, au niveau des institutions sanitaires, quand ils vont raccourcir à l'époque contemporaine, changer toute la perception qu'on va pouvoir avoir. Mais il faut voir qu'on avait des délais assez longs, qui, somme toute, pour ce qui est du commerce maritime, permettaient en général à la maladie de se déclarer à bord et donner naissance à toute une série de procédures. On est dans un monde où les communications sont longues. La première quarantaine, au sens littéral du terme, date de Ragus en 1387. Exactement. On va revenir. J'aimerais qu'on dise tout de même un mot de cette peste justinienne encore, parce que c'est certainement de toutes les grandes épidémies de peste la plus longue, puisqu'on en trouve des traces, Françoise Hildesheimer, jusqu'à Charlemagne. Oui. Exactement, c'est la plus longue. Alors moi, je parle sous le contrôle du médecin qui est en face de moi, mais moi j'ai une observation qui m'intéresse. J'ai le sentiment qu'au fur et à mesure que le temps passe, les choses se raccourcissent. C'est-à-dire les épidémies sont de moins en moins longues et les temps entre les attaques sont de plus en plus larges. Ça a été à peu près étudié, en tout cas remarquablement bien, pour la peste noire. Oui. La peste noire a eu des récurrences. La peste noire, c'est celle du XIVe siècle. Des récurrences à peu près tous les 10 ans, jusqu'à l'époque, jusque globalement au début du XVIIe siècle. Et très régulièrement. Puisque le dernier enterré était un huguenot anglais au cimetière de Charenton, dans un cercueil plombé. On a pu prouver qu'il était mort de la peste. Alors, le problème, c'est que cette récurrence s'explique par deux phénomènes. D'une part, c'est la récurrence, c'est la persistance dans la terre du bacille de la peste qui peut atteindre 28 mois. Deuxièmement, que la puce, même si le rat est mort, peut rester dans le terrier un an avec les bacilles pesteux efficaces, et donc très probablement ces réinitialisations étaient liées à la recolonisation par de nouveaux rats des terriers. Parce que c'est l'une des énigmes qui a duré assez longtemps, et jusqu'à aujourd'hui encore, on ne comprend pas bien comment démarre une épidémie, pourquoi démarre une épidémie, et comment surtout elle s'interrompt. Jean Vito. Bien, le démarrage, on a à chaque fois des endroits où ça a commencé. Des foyers. Pour la peste noire, ça a commencé à Kaffa, en Ukraine, avec un comptoir tenu par des Génois. Et d'ailleurs, c'est un des premiers exemples de guerre bactériologique, parce que le camp Janisberg de la Horde d'Or assiégeait le comptoir de Kaffa, la peste se déclare dans ses troupes, et étant très mauvais perdant, il prend ses machines de guerre et il envoie les cadavres des pesteux à l'intérieur des murailles. Et les Génois, donc, ils lèvent le camp, le siège, les Génois sont terrorisés, ils s'en vont à bateau, ils s'arrêtent à Constantinople, à Corfou, à Messine, à Gênes, à Marseille et aux Baléares, et à chaque fois, l'épidémie de peste déclenche. Alors la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose dans le bateau qui ait déclenché, j'allais dire, une survirulence de la bactérie pesteuse? Ça, c'est une possibilité, mais on ne pourra jamais en avoir la preuve. La question du point de départ, telle qu'elle est soulevée, c'est souvent la question de l'atteinte du niveau épidémique. C'est-à-dire de se dire que finalement la peste a toujours existé, qu'elle existe toujours. C'est-à-dire que le bacille est toujours sur certaines populations, et vous en parlerez, de rats, notamment chez le rat noir, qu'on la retrouve toujours, forcément parce qu'on ne peut pas exterminer ces populations de rats et qu'elles sont endémiques dans plein d'endroits du globe. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le niveau épidémique est atteint et d'un seul coup, une nouvelle épidémie l'épidémie repart. C'est probablement quand la population de rongeurs dépasse un certain niveau et que la bactérie à ce moment-là a une telle prépondérance dans une grande population qu'elle devient fréquente. Et d'ailleurs, il y avait un critère en Asie pour le début des épidémies de peste, c'est quand on voyait des rats noirs dans les rues et qu'on les retrouvait morts dans les rues, alors que d'habitude, le rat est plutôt un animal qui vit caché. Françoise de Seigneur. On en revient à Camus, effectivement, à la description du début de l'épidémie et des rats morts dans les rues d'Oran. Un mot sur, peut-être on va passer à la deuxième grande épidémie, qui est l'épidémie donc de peste noire, qui fait sa réapparition. En 1320, en Mongolie, Jean Vitaud. Oui, c'est ça, ça commence en Chine. On estime qu'il y a eu une épidémie entre 1320 et 1340 en Chine qui a fait passer la population chinoise de 130 à 90 millions, c'est-à-dire 40 millions de morts. C'est à peu près le même pourcentage que pour l'Europe occidentale. Et elle s'est répandue le long de la route de la soie. Et il semblerait qu'il y ait eu en même temps des phénomènes climatiques qui ont entraîné des migrations de rongeurs. Françoise Dolzheimer, on a des traces écrites assez abondantes, compris du début justement de cette épidémie en Asie. Alors en Asie, là, c'est des sources qui me sont un peu étrangères, je ne saurais pas vous répondre, mais cette peste, elle est quand même très bien documentée, on la connaît, on peut la suivre et faire sa géographie, y compris chez nous, jusqu'au XVIe siècle. Jean Vitaud, est-ce qu'on a aujourd'hui des traces écrites du versant asiatique, de la naissance de cette épidémie? Je vous vois compulser votre livre d'histoire de la presse. On a trouvé des recueils, dont un Shijigan, qui est un recueil médical et des annales qui attestent ça de façon extrêmement précise. En Europe, les meilleures versions, globales, sont celles des papes. Et Clément V, notamment, estimait la mortalité entre 1347 et 1348 à 42 millions de morts pour une France, il faut se rendre compte, qui faisait à l'époque 17 à 20 millions d'habitants pour l'Europe. Et la meilleure description de la peste médiévale, qui sépare pour la première fois la peste bubonique de la peste pulmonaire, c'est un autre médecin des papes qui s'appelait Guy de Chauliac. Un bout peut-être pour dire que on l'a dit tout à l'heure, cette peste qui vient de Mongolie entre donc en France par le port de Marseille. À partir de quand, Françoise Hildesheimer, commencent à être mises en place des mesures de quarantaine? Alors le port de Marseille, c'est très intéressant du point de vue... Marseille, d'abord, c'est un extraordinaire objet d'études historiques. Et Marseille est connue par son commerce, et notamment son commerce avec les régions pestiférées. Alors ce commerce, on avance un peu dans le temps, Marseille en obtiendra de manière par ordonnance royale le monopole à la fin du XVIIe siècle. Mais avant, les choses se sont déjà mises en place et on sait que tous les bâtiments qui proviennent de régions suspectes arrivent à Marseille. Donc, les autorités communales vont se préoccuper de mettre en place des institutions sur le modèle de ce qui se faisait tout autour de la Méditerranée. Raguse, premier lazaret, Livourne... Dès le XIVe siècle ? Et Marseille, on voit les premières procédures, disons, au XVe siècle. Mmh. On commence à voir ça. Donc, après l'épidémie de peste noire ? Un peu après l'Italie, ça se met en place à Marseille. Et petit à petit, ça se perfectionne... à tel point que l'on peut dire que Marseille, moi je dirais, devient la capitale sanitaire de la France. Parce que si on raisonne toujours en termes de rapidité, il faut aussi prendre en compte la question des communications administratives. Ce qui impose de déroger à ce que la monarchie tendait à faire, c'est-à-dire faire remonter les informations jusqu'à elle et puis donner des ordres en retour, Marseille... L'intendant à Aix, Versailles, Aix, Marseille, c'était bien trop long. Et donc, on a dérogé à ces pratiques pour admettre que, sur le plan local, des autorités sanitaires à vocation d'origine municipale pourraient prendre les décisions avec pleine autorité. Un mot aussi, Jean Vitteau, à propos de cette épidémie de peste noire, hein, dont on a dit qu'elle était extrêmement bien documentée. On l'appelle la grande peste, la peste médiévale. Il y a l'apparition des médecins becs qui va marquer énormément l'imaginaire. Oui. Racontez-nous cette Alors, histoire. Alors ça, c'était une longue capote de cuir avec un masque en nez d'oiseau. Qui ressemble à un corbeau, on va vous mettre des images sur le fil Twitter de l'émission. Comment dire, que l'on parfumait. On mettait beaucoup de parfum et d'huile. Et alors, on n'a jamais su si ça servait à quoi que ce soit. Il est possible que l'excès de parfum ait pu, et d'huile ait pu déranger les puces. Bon, mais de toute façon, les médecins médiévaux n'auscultaient pas les malades. Ils avaient un bâton, hein, ils ne touchaient pas les malades. Les premiers qui ont touché les pesteux, d'ailleurs qui n'ont pas été contaminés, ce sont les médecins qui sont arrivés à Montpellier en 1720. C'est d'ailleurs eux, je vous raconterai tout à l'heure, qui ont démontré le côté transmissible de la maladie, mais n'ont pas su l'interpréter. Parce que à cette époque-là, à l'époque de la grande peste, la théorie émise pour expliquer l'origine de la peste, outre les théories de châtiment divin, la théorie médicale de l'époque, c'est ce qu'on appelle la théorie des miasmes. Oui, la théorie des miasmes, ou surtout la corruption de l'air, ou la corruption des eaux, ou tout ce qu'on a pu imaginer, des vapeurs funestes. Le problème principal, c'est qu'effectivement, la cause unanimement reconnue était d'origine divine, d'où l'apparition d'une représentation très curieuse qu'on appelle la Vierge de Miséricorde. C'est-à-dire une Vierge avec un immense manteau qui protège les fidèles, alors que du ciel descendent des flèches qui stimulent la maladie. Et alors, ce qui est amusant dans ces représentations-là, c'est que les flèches ont longtemps été considérées comme la représentation artistique, ou du moins picturale, de l'épidémie. Et c'est pour ça d'ailleurs que Saint Sébastien était le premier saint de la peste, bien avant Saint Roch. Un mot encore à propos de cette épidémie de peste noire. Il n'y a strictement aucun lien qui est fait avec les rats à cette époque-là. Aucun. Aucun. Mais par contre, il y a un lien qui est fait avec la disette et avec la guerre. C'est les quatre cavaliers de l'Apocalypse, l'épidémie étant la peste. I won't say it twice. I don't want to be swindled. I won't say it twice. I don't like to be stripped. Hey, Homo Rio, no matter about your bloody pimp. Hey, Homo Rio, don't turn your back when you walk in my street. Won't say it. To be swindled, I won't say it twice. I don't like to be skinned. Hey, man, play louder. I feel my temper flaring. Hey, man, play louder. I got my finger on the trigger of my gun. We'll be right back. Jack the Rat sur France Culture à 16h35. Dunkels, Dongle, puisque nous parlons, eh bien oui, des rats et de la peste qu'ils ont apporté, non pas eux-mêmes, mais à travers leur puce. Et puis la confusion, on va voir, se fait à un moment donné, hein, parce que quand le lien se fait entre la peste et les rats, on pense que c'est les rats qui transmettent la peste. Or, on comprendra bien plus tard qu'il s'agit en fait de leur puce qui transporte le bacille. Nous en parlons avec Jean Vitaud, hein, auteur d'une histoire de la peste aux presses universitaires de France, et Françoise Hildesheimer, qui est conservatrice générale du patrimoine et historienne, qui a longtemps travaillé aussi sur l'histoire des grandes épidémies de peste. On passe à l'épidémie suivante, la dernière pour ce qui concerne la France, c'est la peste dite de Marseille. On est au début du XVIIIe siècle, et vous le disiez tout à l'heure, Françoise Hildesheimer, Marseille avait mis en place un système de quarantaine relativement efficace. Écoutez. Lorsqu'un navire arrivait, mettons, de Smyrne ou d'Alger ou d'Istanbul, peu importe, il mettait un canot à la mer et le capitaine et bon, les rameurs venaient jusqu'à l'entrée du port de Marseille. Lorsqu'il arrivait là, le capitaine tendait ses papiers à un personnage qui l'empoignait de loin avec des espèces de pinces. Et alors lui, ce qui l'intéressait, c'était avant tout ce qu'on appelait la patente de santé. C'était un papier qui était délivré par le consul du port de départ et qui était visé par les consuls à chaque escale que le navire faisait. Et alors, étaient portées sur cette patente de santé les indications portant sur la présence de la peste ou son absence ou sa présence dans les environs proches de la ville. Pour pouvoir se rendre compte si il y a la peste à bord ou non, on est obligé d'attendre de voir si des cas déclarent. Voilà, extrait d'un film autour de la peste, hein, des archives du CNRS Images, un film qui date de 1999. La quarantaine a fonctionné un certain temps, un certain nombre de siècles. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean Vitaud, en 1720 ? Le navire qui arrive, commandé par le capitaine Chabot, s'appelait le Grand Saint-Antoine, qui venait des échelles du Levant, c'est-à-dire il était passé à Tyr. À Tyr, ils ont chargé un passager turc qui est mort à bord, et quand ils sont arrêtés à Chypre, ils l'ont évacué, puis deux autres ou trois autres personnes sont morts, ils sont arrêtés à Livourne, et ont fait fabriquer un faux certificat de santé. Il semblerait qu'en plus, ils avaient de la contrebande, qu'ils aient débarqué à Toulon, ce qui explique qu'il y a un autre foyer qui soit parti de Toulon. Ils arrivent à Marseille, et alors là, le système de la quarantaine a été mis en défaut pour un détail stupide, c'est qu'une partie de la cargaison de soieries appartenait à un des échevins consuls de Marseille, et il en avait besoin très vite pour aller à la foire de Beaucaire. Donc ils ont passé tous les événements, ont mis ça dans ce qu'on appelait la parfumerie, c'est-à-dire les entrepôts où on mettait des choses pour que ça passe, et de là, un certain nombre de ballots ont été encore l'objet de fraude et sont passés par-dessus le mur et ont été envoyés chez les couturières et autres, et c'est de là, dans le quartier insalubre des couturiers, qu'est partie l'épidémie de peste de 1720. Donc c'est en fait non pas le système qui était mauvais, mais ses perversions. Françoise Hildesheimer, cette épidémie, elle est moins importante au niveau européen que la grande peste médiévale, alors, mais tout de même. Alors c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais elle a eu un immense retentissement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est intervenue après une longtemps de cessation. Et oui, parce que la fin de la peste noire, on la fixe à quelle époque ou à quelle date, vous avez donné j'ai donné 1625. 1625, exactement. Ce sont les derniers cas recensés. Il y a un cas absolument documenté à Charenton. À Charenton, voilà. C'est ça. Donc, résurgence depuis ce temps-là, on avait quand même oublié. Et effectivement, c'est toujours Marseille. Et ça a pris une ampleur limité par le fait que, malgré tout, les institutions centrales avaient un petit peu progressé, et le but, on le voit très bien dans les archives du Conseil du Roi, c'est d'éviter la propagation de l'épidémie à la région parisienne. Il faut à tout prix ce qu'on n'avait jamais réussi. Donc, on dresse le fameux mur de peste aux limites de la province, et on réussit à cantonner l'épidémie à la province, enfin au Languedoc. Et au Gévaudan. Et au Gévaudan, exactement. Mais ça n'a pas été jusqu'à troubler la vie de la cour. Alors moi, j'ai une théorie tout à fait différente. Je pense que le mur de la peste n'a pas servi à grand-chose. Il a servi à rien, d'ailleurs, ça, dans c'est un évident. Sens comme dans l'autre, en fonction de l'évolution de l'épidémie. Mais je pense que simplement, la progression s'est arrêtée toute seule, parce qu'en Provence, il y avait encore beaucoup de rats noirs, mais plus on montait au nord, plus le vulcain ou rat gris, notre surmulot actuel, avait pris le dessus. Et donc, il n'y avait plus assez de rats noirs pour transmettre la peste. Je crois que la vérité, elle s'est arrêtée toute seule. Mmh. Il faut préciser pourquoi le surmulot n'est pas un vecteur de peste, contrairement au rat noir. Le problème est un problème d'histoire naturelle amusant. On vous écoute. Le rat noir, Rattus rattus, sur la terminologie linnéenne, est un rat qui est arrivé d'Asie il y a, mettons, 2 ou 3 000 ans, parce que finalement, il n'y avait pas de rats à Rome. Il y avait les souris, mais pas de rats. C'est pour ça que le chat n'a jamais intéressé les Romains. Ensuite, le rat gris ou vulcain est arrivé au XVIIe siècle à Paris et a rapidement pris le dessus sur le rat noir parce qu'il est plus puissant. Il aime l'eau et est totalement omnivore. Il mange de tout, donc tout ce qui passe à portée. Et donc, il l'a rapidement éliminé. Et il y a même une époque où, à la fin du XVIIe siècle, on disait qu'à la Bastille, il y avait des rats noirs dans les tours et dans les douves, il y avait des rats gris. Et donc, ce rat a... L'histoire naturelle est tellement étrange que chaque rat a une puce différente. La puce du rat noir a une caractéristique très particulière, c'est qu'elle a dans son hypopharynx, derrière la bouche, des poils qui retiennent notamment les bactéries, les bacilles, et ce qui fait qu'une piqûre de rat noir envoie un inoculum de 1 million de bactéries de Yersinia pestis, c'est qu'une quantité suffisante pour déclencher la peste. Alors que la puce du surmulot n'a pas ce même phénomène, et donc on estime qu'il faut à peu près 100 piqûres de puces du rat gris pour arriver à celle du rat noir. Donc c'est pour ça que la différence est importante entre ces deux rats. On a une idée tout de même, pour conclure sur cette épidémie de Marseille, pour avancer, parce qu'il nous reste un gros quart d'heure, du nombre de morts que fait cette épidémie. 80 000. 80 000, oui, donc on est très très loin des 40 millions de la peste noire. Oui, il y a eu 230 000 cas et 80 000 morts à peu près. Alors il y a une chose intéressante sur la peste de Marseille, c'est que le médecin de Montpellier a prouvé qu'elle était transmissible. Il a pris de la bile d'un mort de la peste, l'a injecté à un chien, et le chien a déclenché la peste. Mais il a considéré que c'était l'humeur de la bile et non pas la transmission. Françoise Hildesheimer. Juste un mot pour les auditeurs qui viennent à Marseille. On peut les inviter à aller voir les vestiges parce qu'ils sont sur place et ça a un côté historiquement finalement assez émouvant. On a ce bâtiment à l'entrée du port qui s'est appelé la consigne avec une belle statue de Saint-Roch qui est encore dessus. Et puis sur les îles du Frioul, on a encore tous les témoignages des hôpitaux de quarantaine, des endroits où les bateaux étaient amarrés. On a même les taillés dans la pierre, les endroits pour les amarrages. Donc on peut faire un petit pèlerinage sur les lieux de peste aujourd'hui. Voilà, des petites vacances de peste à Marseille. Les conseils de François Hildesheimer. Et on a retrouvé l'épave du Grand Saint-Antoine, oui, il y a quelques années. Oui. Le fameux bateau par lequel est arrivée la peste de 1720. On va avancer, hein. Il nous reste, je vous dis, un quart d'heure. J'aimerais qu'on dise un mot, puisque la dernière grande épidémie, avant la découverte du bacille, ce sera la peste de Chine, qui permet à Alexandre Yersin, on va pas refaire toute l'histoire, puisque vous l'avez déjà expliqué tout à l'heure, Jean Vito, élève de Pasteur, et puis on a nous-mêmes fait ici une émission consacrée à Pasteur il y a quelques jours, donc on va vous mettre le lien vers l'émission sur le fil Facebook, comme ça vous pourrez y accéder. Alexandre Yersin qui débarque à Hong Kong et qui est en concurrence à l'époque, c'est intéressant, avec le grand rival de Pasteur, Qui était un élève de Robert Koch, qui était un japonais qui s'appelait Kiki Sato. C'est ça, mais le grand rival de Pasteur, c'était Robert Koch. Et alors le problème est tout à fait étonnant, parce que Kiki Sato avait tout le support des autorités, il avait des étuves modernes, chauffées à 37 degrés, et il était dans l'hôpital, et il ne trouve rien. Yersin arrive, il s'installe dans une paillote. Lui, il avait des choses ridicules, et lui, il trouve pourquoi. Parce que Kiki Sato, suivant Robert Koch, avait privilégié les hémocultures, c'est-à-dire il avait prélevé le sang pour trouver le germe. Or, la phase septicémique chez l'homme est extrêmement restreinte et prémortem. Alors que Yersin avait utilisé une méthode plus différente, totalement illégale, il avait soudoyé un marin américain et avait fait prélever les bubons. Et il a trouvé sous son microscope le germe. Une belle purée. Une belle purée de germe. Il l'a envoyé à Paris. Et ça a été rapidement confirmé qu'il était le découvreur de Yersinia pestis. Ah non, de Pasteurella. De Pasteurella, oui, la pestis qui a été renommée. Quand on a démembré le germe, Pasteurella est devenu Yersinia pestis. Et c'est Paul Louis Simon qui identifiera plus tard le rôle des puces dans la transmission en 1898. J'accélère un peu le temps parce que notre temps lui-même est compté. Pasteur va tenter de produire un vaccin contre la peste, oui. Mais le vaccin contre la peste ne prend pas. Il fonctionne, mais ses effets secondaires sont beaucoup trop lourds. Un mot, Françoise Hildesheimer. Une petite précision amusante, il y avait eu une peste à Moscou en 1711, et à ce moment-là, il y a un médecin nommé, si je me souviens bien, Samoïlovitch, qui avait envisagé une procédure totalement archaïque et effarante de vaccin, et qui l'avait prôné à une brochure qui est assez amusante du point de vue des précurseurs de la vaccination. Il y a eu une vaccination entamée à Madagascar dans les années 30 par un nommé Girard, mais qui n'a pas été efficace. Alors pourquoi la vaccination contre la peste ne marche pas ? Dites-moi. Ben pour une raison simple. Déjà, c'est une bactérie. Les immunités virales sont beaucoup plus solides que les immunités bactériennes. La deuxième, c'est que l'immunité induite même par la maladie en tant que telle n'est pas considérable parce qu'il y a de nombreux cas dans la littérature de gens qui ont fait plusieurs fois la peste. Donc quelque part, même la maladie ne déclenche pas une immunité durable. Donc il n'est pas facile de trouver un vaccin. Eh bien figurez-vous qu'il y a des gens, puisque la peste, on l'a dit au début de cette émission, continue à faire des victimes chaque année, en Afrique subsaharienne, à Madagascar, notamment au Congo aussi, mais on a trouvé des cas de peste aux États-Unis, en Asie. Bref, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui à l'idée de produire un vaccin pour l'homme. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous êtes précisément rendu à l'Institut Pasteur où vous êtes allé gratouiller la Quandera. Oui, c'est ma grande passion pour ces rongeurs. Et j'y suis allé avec Anne-Sophie Le Guern, qui est la responsable du Centre National de Référence de la peste et des autres yersinioses. La peste, c'est pas une maladie éteinte, vous l'avez dit. D'ailleurs, il y a à peine un mois, l'île de Madagascar a connu une épidémie de peste pulmonaire qui a fait environ 200 morts. Donc les missions du Centre National de Référence de la peste et autres yersinioses sont de surveiller les foyers de peste dans le monde en analysant les échantillons qu'on leur fait parvenir, mais c'est aussi de mettre en place de nouveaux outils de diagnostic et enfin d'établir peut-être un jour un vaccin contre la peste. Comme projet de recherche, on a par exemple la mise au point d'un vaccin contre la peste, parce que il existait des vaccins vivants atténués, mais qu'on n'utilise plus parce que ces vaccins avaient des effets secondaires et qu'en plus la souche n'était pas très stable génétiquement. Donc on a voulu mettre au point un vaccin qui n'ait pas d'effets secondaires, qui soit efficace contre les deux formes de la peste pulmonaire et la peste bubonique. Donc on est parti d'une souche de Yersinia pseudotuberculosis qui elle est beaucoup moins virulente que Yersinia pestis. On a enlevé les facteurs de virulence qu'il y avait quand même dedans. Et on a inséré un gène qui code pour la capsule de Yersinia pestis. Et c'est cette capsule qui est très immunogène et qui va déclencher la production des anticorps protecteurs dans le vaccin. Alors, ça marche chez la souris. On protège 100% des souris contre la forme pulmonaire et contre la forme bubonique. Maintenant, il faut qu'on passe à l'application sur l'homme. Et là, ça demande des moyens financiers beaucoup plus importants. Et donc, on est en recherche de sponsors. Alors ici, vous avez le laboratoire de biologie du Centre National de Référence pour ce qui concerne les autres Yersinia, pas pestis. Donc là, c'est-à-dire qu'on va étudier les souches qui sont isolées dans les laboratoires de biologie médicale en France et que ces laboratoires nous envoient pour caractérisation. Et tout ça nous permet d'assurer la surveillance de la maladie au niveau national. Voilà, on a des missions d'expertise, donc savoir caractériser finement les souches, et puis des missions épidémiologiques, donc surveiller l'importance de la maladie en France. Quand on parle de la peste, C'est une maladie qui est tellement contagieuse qu'on ne la manipule pas comme ça. Comment ça se passe pour justement analyser ces échantillons-là ? Alors, effectivement, c'est une bactérie mortelle, très pathogène. Donc, on doit la manipuler dans des conditions de sécurité. Et on a des laboratoires de niveau 3, des P1-P3. Donc, c'est un laboratoire qui est en dépression. Comme ça, ça évite aux bactéries qui sont dans le laboratoire de sortir de la pièce. Ce laboratoire, il est à l'étage au-dessus. Si vous voulez, on peut aller voir juste de l'extérieur et vous allez voir les caméras. Et par exemple, si on a un malade qui est suspect d'avoir la peste, les médecins vont faire un prélèvement. Ils vont, si c'est une suspicion de peste pulmonaire, ils vont prélever les expectorations, un crachat. Le prélèvement va arriver chez nous et on va le traiter dans ce laboratoire. Ça prend combien de temps à peu près pour établir un diagnostic et dire voilà, c'est ce type de peste-là ? Eh ben, on a plusieurs tests. On a un test rapide qui prend 15 minutes, qui est un test bandelette, qui recherche l'antigène F1 de Yersinia pestis. Et sinon, on a des techniques de PCR. Qu'est-ce qu'on appelle PCR ? C'est l'amplification d'un gène. Ça nous permet de détecter l'ADN de la bactérie. Et ces techniques-là, elles prennent environ 2 heures. Sauf que quand on travaille dans un P3, tout est plus compliqué. Parce qu'il faut s'habiller avec une surblouse, des gants, des masques, des lunettes. Il faut travailler sous hotte. Et donc tous les gestes sont ralentis. Et donc en fait, ça prend un peu plus que 2 heures. Ça va prendre à peu près 3 heures, 3 ou 4 heures. Donc là, on est à l'extérieur de ce laboratoire P3. On est face aux caméras de surveillance. Bon, c'est le matin, donc il n'y a pas encore grand monde. Mais... Voilà. Mais ça permet effectivement de voir si quelqu'un a un problème dans le laboratoire. Et s'il y avait une alarme, on la verrait aussi clignoter sur l'écran. Et puis sinon, donc, on contrôle, avant de rentrer dans le laboratoire P3, on contrôle les pressions. Donc on contrôle que dans le SAS 1, on a une pression positive. Dans le SAS 2, ça diminue. Et puis ensuite, dans le couloir, ça diminue encore, on est à moins 40. Et dans les labos, on est encore plus bas, on est à moins 50. Pour assurer la sécurité et empêcher que la bactérie ne sorte. Il y a eu une épidémie récente de peste pulmonaire à Madagascar. Est-ce que vous avez été sollicité dans ce cadre-là ? Oui, je suis allée à Madagascar pendant 2 semaines pour aider mes collègues justement à mettre en place des nouvelles méthodes de diagnostic. Heureusement, Yersinia pestis est sensible à quasiment tous les antibiotiques qu'on utilise en médecine. On a observé quelques souches résistantes, mais elles sont encore très rares. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci avec le traitement aux antibiotiques. D'habitude, à Madagascar, on a des épidémies, des petites épidémies de peste bubonique et qui surviennent dans les villages ruraux et pendant la saison pesteuse, c'est-à-dire d'octobre à avril. Mais cette année, on a observé des cas de forme pulmonaire et dans les grandes villes. C'était ça la différence avec les autres années. Et le fait que ce soit des formes pulmonaires et que ce soit dans les grandes villes, ça a entraîné un grand risque de propagation entre les personnes, puisque dans les villes, les gens sont plus proches. Et donc c'était ça le gros problème cette année. Et du coup, quels sont aujourd'hui les grands projets de recherche du CNR autour de la peste ? Alors, un des grands projets de recherche, c'est le vaccin, la mise en place du vaccin. Ensuite, on étudie les facteurs de virulence, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre comment Yersinia pestis échappe au système immunitaire lors de l'infection. Alors qu'en général, les autres bactéries sont reconnues par le système immunitaire. Donc on essaie de comprendre ça. Et on essaye aussi de comprendre comment la bactérie peut acquérir des mécanismes de résistance aux antibiotiques. Et on essaie aussi de comprendre quels sont les déterminants génétiques qui confèrent cette virulence si importante dans Yersinia pestis. Voilà le reportage du jour sur la recherche autour du bacille de la peste. Une réaction, Jean Vito, ce que vous venez d'entendre. On entend quelques souches résistantes de la peste, oui, il faut s'en inquiéter. Le problème est le suivant, c'est que toutes les bactéries, à de rares exceptions, mutent de façon très fréquente et donc peuvent résister à tous les antibiotiques. Il n'y en a qu'une qui n'a jamais résisté, c'est le germe de la syphilis. Jamais. Mais toutes les autres peuvent résister et Et donc, ça n'a rien de surprenant, c'est le résultat de l'écologie bactérienne et de l'importance d'utilisation des antibiotiques, d'autant plus que des bactéries de genres différents peuvent se transmettre des gènes de résistance par de l'ADN extra-chromosomique qu'on appelle des plasmides. Alors, pour un mot de conclusion, je vais vous dire, il y a quand même quelque chose qui est très amusant, c'est que on ne dit plus tellement peste comme interjection de nos jours, mais le mot peste est utilisé de façon extrêmement fréquente dans un mot que vous avez tous entendu et qui a été forgé dans les années 30, c'est le mot pesticide. Françoise Hildesheimer. Alors un petit mot de conclusion, puisqu'on arrive à la fin de notre émission. Une remarque d'historien, ces épidémies, et au premier rang desquelles figure la peste, avaient une conséquence de clore les communications, d'interrompre les communications et de cloisonner le monde. Mais paradoxalement, elles en ont eu une autre. C'est, à ma connaissance, le premier domaine où s'est mis en place une information à échelle internationale, puisque les grands ports ont commencé au XVIIe siècle à échanger des informations. Alors au moment de la peste de Marseille, on s'aperçoit que ces informations n'avaient rien de sincère, puisqu'on a essayé de cacher la situation, mais petit à petit, on s'aperçoit qu'en allant dans le temps, sont mis en place des procédures plus honnêtes de communication, qui sont finalement à l'origine de nos institutions internationales. Un mot encore, Jean Vito, pour conclure. Dans votre histoire de la peste, la conclusion est assez pessimiste. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé qualifie la peste comme une maladie émergente. On a entendu la notion de bacille qui deviendrait résistant aux antibiotiques. On a eu, depuis les attentats, notamment du 11 septembre 2001, la peur de l'utilisation de bacilles de la peste comme arme bactériologique. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut être inquiet aujourd'hui de la peste? Mais c'est-à-dire que, étant donné que l'on ne sait pas pourquoi une épidémie se déclenche, on ne peut être inquiet, mais c'est vrai de très nombreux autres germes. Quant à l'utilisation de la peste comme agent de guerre bactériologique, ça a déjà été fait. D'ailleurs, l'origine de la peste noire, c'est un peu ça. Mais surtout, pendant la dernière guerre mondiale en Mandchourie, des Japonais s'en sont servis et de façon, terriblement. Rappelez-moi le nom de ce camp qui s'appelait L213. Oui, l'unité de Et, près de Maïdan, en Mandchourie. Et alors, ils utilisaient des cobayes vivants. Alors, le problème, c'est qu'ils ont essayé de faire de la guerre bactériologique. Mais le problème de la guerre bactériologique, il y a un immense problème. C'est que ça frappe aussi bien ses troupes que les autres, à moins d'avoir un vaccin. Comme on n'a pas de vaccin pour la peste, il semblerait que cela n'ait pas d'intérêt. Mais, par exemple, pendant la guerre de Corée, on a accusé les Américains de s'en être servis. C'est pour ça que Ridgway avait été surnommé la peste. Merci beaucoup, Jean Vito et Françoise Hildesheimer, d'avoir accepté cette invitation et d'être venu nous parler de cette histoire de la peste. Référence, vous pouvez vous retrouver l'histoire de la peste que vous avez écrit, Jean Vito, aux Presses universitaires de France. Françoise Hildesheimer, un certain nombre d'ouvrages aussi, vous pouvez peut-être en mentionner un ou deux. Et notamment une étude justement sur le bureau de la santé de Marseille. Voilà, on va vous mettre les liens sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulf, Céline Lausanne, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.